الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، الله عز وجل il crée des créatures et parmi ces créatures il choisit. C'est ainsi qu'Allah عز وجل a créé les sept cieux, et de ces sept cieux il a choisi le septième. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a créé les malaïka, les anges. Et parmi ces anges, il a choisi Jibril, Mikaël et Israfil. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal, il a créé cette terre. Et sur cette terre, il a choisi comme endroit Mecca. Et Allah Azza wa Jal a créé les jours. Il a créé des jours qui font des années. Et parmi ces années, il a choisi des mois. Il a choisi des mois. Et parmi ces mois, il a choisi le mois de Ramadan. Et parmi les jours, il a choisi le Jumu'ah. C'est ainsi donc qu'Allah Azza wa Jal, il a choisi aussi parmi ces jours, les dix jours du mois de Dhul-Hijjah dans lequel nous sommes entrés. Il a choisi donc ces dix jours. C'est des jours qui ont des mérites. Immense, c'est des jours qui ont des mérites immenses et que beaucoup de gens négligent. Il est donc important de nous rappeler les mérites de ces jours. De ces jours pour qu'on puisse prendre conscience de l'importance qu'on doit y accorder. Et du fait qu'on doit particulariser ces jours, comme on particularise les jours du mois de Ramadan, comme on particularise les 10 derniers jours du mois de Ramadan. On accorde de l'importance aux 10 derniers jours du mois de Ramadan, et il est important ici de savoir que ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah sont équivalents en importance, voire même meilleur que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et c'est donc ce que nous allons essayer d'exposer ici avec les arguments du livre de la Sunna. Parmi donc les mérites de ces 10 jours, ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, Il y a le fait que Allah Azzawajal a juré par ses 10 jours. Allah Azzawajal a juré par ses jours. قال الله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والوتر والليل إذ يسر. Donc Allah عز وجل a donc juré donc dans sourate al-Fajr. Il a juré par l'aube et par les 10 nuits et par le père et l'impère et par la nuit qui s'écoule. Wal fajr wa layalin ashr wa shafi wal watr wa layli idha yasr. L'imam Ibn Kathir rahimahullah dans son tafsir, il dit wa layalil ashr المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. Donc l'imam Ibn Kathir dans son tafsir il dit à propos de ce verset de surat al-Fajr, l'aube. Il dit la parole d'Allah Azzawajal, wa layali al-ashr, les 10 nuits, et par les 10 nuits, que ce qui est voulu ici par les 10 nuits, c'est les 10 jours de Dhul-Hijjah. Comme l'a dit Ibn Abbas, Ibn Zubair, Mujahid, et plus d'un parmi les prédécesseurs et ceux qui les ont suivis. Et c'est aussi l'avis donc de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Zadul Ma'ad, qui a donc été du même avis en disant que donc wa layali al-ashr wa layali al-ashr. La parole d'Allah Azzawajal, wa layali al-ashr, et par les 10 nuits, ce qui est voulu par ici, ce qui est voulu par ces 10 nuits, il s'agit donc des 10 jours de Dhul-Hijjah. Et ceci est un argument pour montrer le mérite de ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, car Allah Azzawajal, lorsqu'il jure par une de ses créatures, ça, ceci montre l'importance de cette créature. Allah Azzawajal, dans le Coran, il a juré par beaucoup de ses créatures. Il a juré par beaucoup de ses créatures. Et toutes les créatures par lesquelles Allah Azzawajal y jure, ça montre leur importance. Car Allah Azzawajal, il ne juge pas par des choses futiles parmi ses créatures. Il ne jure que par ces créatures qui ont une importance. Et donc, c'est donc pour ça que les gens de science ont considéré que ceci entre dans les mérites de Dhul-Hijjah, des 10 jours de Dhul-Hijjah qu'Allah Azzawajal a juré par eux dans son noble livre. Parce qu'Allah Azzawajal, il a juré dans son livre par les cieux et par la terre, par le soleil, par la lune, par les étoiles, et ainsi de suite, parmi ces créatures. Et il a même juré par Mecca. Il a même juré par Mecca. Il a juré par Al-Asr. Il a juré par Ad-Duha, par la nuit. Donc tout ceci montre donc que Allah Azzawajal, il ne jure que par ces créatures qui ont une importance. Il ne jure que par ce qui est immense parmi ses créatures, ce qui est immense et important parmi ses créatures. Donc, il jure par ces créatures qui sont d'une grande importance. Et il faut savoir, donc Allah Azzawajal, il jure par ce qu'il veut parmi ses créatures, et il n'est pas permis aux créatures de jurer par autre qu'Allah Azzawajal. Donc, ceci est donc un argument montrant que ces 10 jours sont importants. Ces 10 jours sont importants. C'est pour ça donc qu'Allah Azzawajal a juré par eux dans son noble livre. Parmi donc les mérites de ces 10 jours de Dhul-Hijjah, il y a le fait que les adorations se rassemblent dans ces jours. Les adorations se rassemblent dans ces jours. C'est ça qui fait une des particularités de ces 10 jours. C'est le fait que les adorations se rassemblent. Toutes les adorations se rassemblent dans ces 10 jours. Donc, dans ces 10 jours, il y a les salawat. Comme en dehors de ces 10 jours. Dans ces 10 jours, il y a la zakat pour celui qui doit la payer dans ces 10 jours-là. Et il y a les sadaqat qu'on peut faire dans ces 10 jours-là. Il y a le siyam qu'on peut faire dans ces 10 jours-là, qui est mashrou', qui est légiféré de faire dans ces 10 jours. Et il y a le siyam aussi, c'est pour ceux, par exemple, pour ceux qui accomplissent le hajj et qui ne trouvent pas de bête pour le sacrifice, ils doivent jeûner. Ils doivent jeûner. Donc, il y a le hajj aussi. Il y a le hajj. Hein? La visite du haram qui est pendant cette période. Et il y a donc le dhikr aussi. Et les invocations. Et c'est donc une des particularités qui démontre le grand mérite de ces 10 jours. Parce que dans ces 10 jours, la personne peut rassembler, le musulman peut rassembler, surtout celui qui accomplit le hajj, il peut rassembler toutes les adorations pendant ces jours. Il peut rassembler la salah, il peut faire les salawat, il peut faire la sadaqa, il peut payer la zakat, il peut jeûner, il peut faire le dhikr, le dua, la lecture du Coran. Il peut donc faire toutes ces adorations dans cette période-là, ce qui n'est pas possible en dehors de cette période. Il n'est pas possible de pouvoir rassembler donc toutes ces adorations en dehors de cette période-là. Voilà pourquoi ces 10 jours sont très importants. Voilà pourquoi ces 10 jours sont très importants, et voilà pourquoi Allah Azzawajal les a particularisés à travers la voix de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les mérites donc de ces jours de Dhul-Hijjah, il y a le fait que ce soit les meilleurs jours de cette dunya de manière absolue. Ce sont les meilleurs jours de cette dunya de manière absolue. Comme le prouve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Afdalu ayyam al-dunya ayyam al-ashr. Afdalu ayyam al-dunya ayyam al-ashr. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith: les meilleurs jours de cette dunya, ce sont les jours les 10 jours. Les meilleurs jours de cette dunya, ce sont les 10 jours. Le hadith est rapporté par Al-Baza, d'après Jabir ibn Abdullah, donc, et ce hadith a été authentifié par l'imam Al-Albani. Ce hadith a été authentifié par l'imam Al-Albani dans Sahih al-Tarhib et dans Sahih al-Jami'. Donc, c'est un argument clair qui montre que ces 10 jours de Dhul-Hijja sont les meilleurs jours de cette dunya de manière absolue. Il n'y a pas de jour meilleur dans cette dunya que ces jours-là. Donc, ces minutes, ces secondes, ces minutes, ces jours sont les meilleurs de cette dunya de manière absolue. Ceci donc montre le grand mérite. Ceci donc montre le grand mérite de ces jours. De ces jours que beaucoup de gens négligent. Parmi les mérites aussi donc de ces 10 jours, le fait que, et c'est parmi ses principaux, mais c'est le principal de ces mérites, le plus important parmi ces mérites est le fait que l'œuvre pieuse dans ces jours est plus aimée d'Allah Azzawajal. L'œuvre pieuse dans ces jours est plus aimée d'Allah le Très-Haut que en dehors de ces jours. Et ceci, comme le prouve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Ma l'amalu fi ayyamin afdala minha fi hadihi » قالوا لا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qui est dans Sahih al-Bukhari d'après Ibn Abbas, il dit il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'action dans des jours, il n'y a pas d'œuvre dans des jours meilleure que ces jours-là. Il n'y a pas d'œuvre dans des jours meilleure que l'œuvre dans ces jours-là. Et ses compagnons lui ont dit de demander même pas le djihad. Et il a dit même pas le djihad, sauf une personne qui est sorti mettant sa personne en danger avec son argent, qui est sorti donc fi sabilillah, qui est sorti donc dans le sentier d'Allah Azzawajal, mettant en danger sa personne et ses biens, et il ne revient avec aucun, il ne revient avec rien parmi tout ça. Donc quelqu'un qui sort avec ses biens avec sa personne et ses biens, fils Abidillah, et il ne revient pas. Il ne revient ni avec ses biens, ni avec sa personne. Ni lui-même, il meurt, fils Abidillah, et ses biens restent aussi, fils Abidillah. C'est le seul cas où l'action est meilleure que l'acte fait pendant les jours donc de Dhul-Hijjah. Les 10 jours de Dhul-Hijjah. Ceci montre donc l'immense mérite de ces jours et l'extrême importance qu'il faut leur accorder. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons lui ont demandé même pas le djihad fi sabilillah, et il dit donc cette parole, que même pas le djihad fi sabilillah. Même le djihad, ça veut dire que ces jours, l'adoration que le serviteur peut faire pendant ces jours est meilleure que le djihad fi sabilillah. Que la personne qui va sacrifier son nefs, il va sacrifier son nefs lors du djihad fi sabilillah. Et c'est mieux que la personne qui sacrifie toute sa fortune. Non, le djihad fi sabilillah. Et donc, C'est ce que indique ce hadith. Donc quelqu'un qui va fi sabilillah, mais il a laissé ses biens, il sacrifie son nefs, les actions que la personne fait dans les 10 jours, les 10 jours de Dhul Hijjah sont meilleures que cette personne-là, que ce que cette personne-là fait comme sacrifice, qui est pourtant un sacrifice immense. De même que la personne qui dépense toute sa fortune, fi sabilillah, les actes que la personne fait durant les 10 jours de Dhul Hijjah sont meilleurs et plus aimés auprès d'Allah que la personne qui dépense tout son argent, tous ses biens, fi sabilillah. Vous imaginez un peu le mérite. Vous imaginez donc un peu le mérite, parce que c'est très difficile. C'est quelque chose de très difficile, dépenser toute sa fortune, fi sabilillah, ou sacrifier, donner de sa propre personne et se sacrifier, sacrifier sa vie, fi sabilillah. Donc, ceci montre donc l'extrême importance de ces 10 jours. Donc, il n'y a que la personne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc dans ce hadith qui est dans Sahih al-Bukhari d'après Ibn Abbas, il n'y a que la personne qui sacrifie toute sa fortune, fi sabilillah, et qui lui-même meurt, fi sabilillah, il n'y a que lui qui dépasse le mérite. Il n'y a que cette personne-là qui dépasse le mérite de ces 10 jours, de l'œuvre pieuse pendant les 10 jours de Dhul Hijjah. Et il est rapporté de Saïd ibn Jubair, il est donc rapporté de lui qu'il, lorsque ces 10 jours de Dhul Hijjah entraient, il faisait un effort extrême. Il faisait des efforts extrêmes dans l'adoration. Il faisait des efforts extrêmes dans l'adoration. Des efforts que... presque des efforts surhumains. Il faisait presque des efforts. Il faisait des efforts extrêmes. À la limite même de ce qu'il pouvait supporter. C'était à la limite de ce qu'il pouvait supporter. Pour montrer l'importance que les prédécesseurs accordaient à ces jours. Parce qu'ils ont compris leur importance. Et Saïd ibn Jubair, c'est un tabi'i, c'est un savant. C'est un grand savant parmi les tabi'i, parmi les tabi'in. Et ce athar qui est rapporté de lui, par rapport à son ijtihad, par rapport aux 10 jours de Dhul Hijjah, ça a été authentifié par l'imam Al-Albani dans l'Irwa. L'imam Al-Albani l'a authentifié dans l'Irwa. Donc ce grand savant des tabi'in, il faisait un effort quasi surhumain pendant ces 10 jours, au niveau de l'adoration. Ça veut dire la prière, le jeûne, la lecture du Coran. Il apportait une attention particulière à ces jours qu'il n'accordait pas à d'autres jours. Parce qu'il savait donc cela, que c'est des jours où l'adoration est le plus aimé d'Allah Azzawajal que tout autre jour. Donc, nous devons suivre donc la même voie. Il nous est demandé de suivre la même voie que cela. Parmi donc aussi ses mérites, parmi les mérites de ces 10 jours de Dhul Hijjah, le fait que s'y trouve le jour de Arafah, Yom Arafah. Arafah, c'est l'endroit donc connu lors du pèlerinage, où les gens s'arrêtent et donc ce jour est un jour spécial en islam, et donc c'est parmi les mérites de ces 10 jours de Dhul Hijjah que s'y trouve ce grand jour de Arafah, ce jour qui comporte beaucoup de mérites, dont le jeûne lors de ce jour La personne, il lui est pardonné ses péchés passés, de l'année passée et de l'année qui vient. La personne qui jeûne ce jour, le jour de Arafat, il lui est pardonné les péchés de l'année écoulée et l'année qui vient. Comme cela est rapporté par le hadith d'Abi Qatada al-Ansari, qui a dit qu'il a été demandé au prophète par rapport au jeûne de Arafat, et il a dit Yukafir as-sana al-madiya wal-baqiya. Donc, le prophète a dit par rapport au jeûne de Arafat, il fait pardonner les péchés de l'année écoulée et de l'année passée et de l'année donc à venir. Et parmi les mérites de ce jour de Arafat, il y a aussi le hadith de Maïmouna dans les Sahihain, de Maïmouna radiallahu anha dans les Sahihain, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayru du'a du'a au yawm Arafah. La meilleure des invocations, c'est l'invocation du jour de Arafah. Donc, ça démontre donc les mérites de ces 10 jours, parce qu'il s'y trouve donc c'est ce jour de Arafah qui est un jour où les pèlerins s'arrêtent donc à cet endroit et ils y disent la kalimat al-tawhid, la parole du tawhid, la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Khayru ma kultu ana wa nabiyoun qabli la ilaha illallah. La meilleure parole que j'ai prononcée moi et les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah. Nul n'est digne d'adoration si ce n'est Allah. Nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah Azza wa Jal. Et donc ce hadith est d'après Abdallah ibn Amr. Et il a été authentifié par l'imam Al-Albani. Il est rapporté par Tirmidhi. Et donc, ceci montre le mérite donc de ces 10 jours, les mérites immenses de ces 10 jours de Dhul-Hijjah, comme il y a ce jour qui est donc ce jour de Arafat qui fait donc partie de ces 10 jours. Et c'est un jour où les musulmans donc se rassemblent donc lors du Hajj. Et ils disent donc cette kalima de tawhid, et ils invoquent Allah Azza wa Jal, et ils invoquent Allah Azza wa Jal. Donc pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc dans le hadith khayru du'a du'a yawm Arafah. Et donc le hadith est authentique. Donc les fadail, les mérites de ces jours sont, comme vous pouvez le voir, les mérites de ces jours sont immenses et leur importance est immense. Et ce ne sont pas des jours que le musulman qui croit en Allah Azzawajal et qui espère sa récompense dans l'au-delà, ce ne sont pas des jours que le musulman doit négliger. Au contraire, il doit leur accorder une grande importance, et il doit même leur accorder une importance équivalente ou voire plus Quelle importance qu'il accorde au jour du mois de Ramadan, au dernier jour du mois de Ramadan. Et donc ce jour de Arafat, c'est le neuvième jour du mois de Dhul Hijjah. C'est le neuvième jour du mois de Dhul Hijjah. Et ce jour a été appelé ainsi parce que les gens s'arrêtent donc à Arafat, qui est cet endroit connu lors du Hajj, où les gens s'arrêtent lors des rites du Hajj. Et c'est un pilier du Hajj. C'est un pilier du Hajj. Le mawqif, le fait de s'arrêter, la station à Arafat, c'est un des piliers du Hajj qui n'a pas son pareil, qui n'a pas son équivalent dans la Umrah. Le Hajj a d'autres piliers qui ont leur équivalent dans la Umrah, mais Arafat n'a pas son équivalent dans la Umrah. Arafat n'a pas son équivalent. La station d'Arafat n'a pas son équivalent dans la Umrah. Donc c'est un des piliers les plus importants du Hajj. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, « El Hajj Arafat ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, El Hajj Arafa, le Hajj, c'est Arafa. Ce qui montre son extrême importance. Et le hadith, donc, est d'après Abdurrahman ibn Ya'mar. Et El Hajj Arafa, ce hadith, donc, il est d'après Abdurrahman ibn Ya'mar. Et il est rapporté par Ahmed. Le hadith est rapporté par Ahmed. Et il a été authentifié par l'imam Al-Albani. Donc ceci montre l'importance de ce jour et de cette station lors du Hajj, de cette station de Arafat. Ça montre son importance. Et donc tout ceci donc se passe lors du 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Ceci montre donc l'importance. Ceci se passe donc lors du 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Et ceci donc montre l'importance donc de ces 10 jours. De ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et cher l'Islam Ibn Taymiyyah, je voudrais dire cher al-Bassam. Cher al-Bassam, il dit donc dans son livre Tawdi' al-Ahkam, cher al-Bassam, il dit dans son livre Tawdi' al-Ahkam, dans le volume 3 en page 201, il dit que le siyam de Arafat est le meilleur des siyams surérogatoires et il rapporte donc l'unanimité, il rapporte une unanimité des savants par rapport à cela. Donc, il dit que le siyam de Arafat, le siyam du jour de Arafat, c'est le meilleur des siyams surérogatoires, cher al-Bassam. Il dit ça dans Tawdih al-Ahkam, volume 3, page 201. Donc, pour la personne, de manière générale, il est conseillé de la personne qui peut gêner même les 9 jours. La personne qui peut gêner même les 9 jours de Arafat, c'est bien de le faire parce qu'on a vu les mérites. L'adoration est le plus aimé d'Allah Azzawajal lors de ces jours. Donc il faut multiplier les adorations qui sont aimées d'Allah Azzawajal en espérant sa récompense. Et si la personne ne peut pas jeûner ces 9 jours-là, il faut au moins qu'il s'attache à jeûner le 9e jour, le jour de Arafat, dont la récompense est immense, ça pardonne les péchés de l'année écoulée et l'année à venir. Et les ulamas ont dit que la vie le plus juste, c'est qu'il s'agit donc des petits péchés. Donc, tout ceci démontre l'importance de ces 10 jours de Dhul Hijjah. Que beaucoup de gens négligent. Parmi Parmi donc les mérites aussi de 10 jours de Dhul Hijjah, il y a le jour du sacrifice. Il y a le fait que s'y trouve dans ces 10 jours le jour du sacrifice. Et le jour du sacrifice, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit Inna al-afdal al-ayyam inda Allah yawm al-nahr. Certes, le meilleur des jours auprès d'Allah est le jour du sacrifice. Le hadith est rapporté donc par Ahmed d'après Abdallah ibn Kurt radiallahu anhu, et il a été authentifié, ce hadith a été authentifié par les imams Al-Albani et Al-Wadi'i. Quand on dit l'imam Al-Wadi'i, c'est Cheikh Mukbil rahimahullah, qui a revivifié la dawa des gens de la sunna, la dawa du tawhid et des gens de la sunna au Yémen. Et donc, ces deux imams donc, ont authentifié ce hadith qui prouve donc que le meilleur des jours, le meilleur de ces 10 jours, le meilleur de ces 10 jours est donc le jour du sacrifice, qui est le 10e jour. Le meilleur de ces 10 jours est le 10e jour, qui est le jour du sacrifice, le jour de l'Aïd al-Adha. Donc, ce hadith donc, qui est rapporté par l'imam Ahmed, a été authentifié donc par l'imam Al-Albani dans Sahih al-Jami', et il a été authentifié par l'imam Al-Wadi'i dans Sahih al-Musnad. Donc ce hadith donc est une preuve que le jour du sacrifice, donc le jour de l'Aïd al-Adha, c'est le meilleur des 10 jours, le meilleur des 10 jours de Dhul Hijjah. C'est le meilleur des jours de Dhul Hijjah. Donc, c'est aussi parmi donc les mérites de ces 10 jours. Car il y a donc ce rite, ce grand rite parmi l'un des plus grands rites de l'islam. L'un des plus grands rites de l'islam, donc, si ce n'est même le plus grand, qui est donc le sacrifice de la bête lors de ce dixième jour de Dhul Hijjah. Et ce dixième jour est un jour immense, et est un jour, c'est le meilleur des jours parce qu'il rassemble la plupart des rites du Hajj. Donc la plupart des rites du Hajj sont rassemblés ce jour. La plupart des rites du Hajj sont rassemblés ce jour. Les rites du Hajj, comme le fait de sacrifier la bête, le tawaf, de raser la tête et autres, et le salat al-Aïd, le fait que les musulmans se rassemblent pour faire salat al-Aïd et égorger leurs bêtes qu'ils doivent sacrifier. Donc, tout ceci donc fait que ça montre donc l'importance de ce jour et le mérite de ce jour. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit dans Zad al-Ma'ad, volume 1, page 56, il dit فخير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. Donc il dit le meilleur des jours auprès d'Allah est le jour du sacrifice, et c'est le plus grand jour du Hajj. C'est le plus grand jour du Hajj. Donc voilà donc ce qui qui démontre donc l'importance de ces 10 jours du mois de Dhul-Hijja, et donc qui s'y trouvent aussi ces jours qui sont des jours grandioses pour les musulmans et pour la religion islamique. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il dit dans Zad que si on pose la question, qu'est-ce qui est mieux entre les dix nuits les 10 dernières nuits du mois de Ramadan et les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, qu'est-ce qui est le mieux? L'imam Ibn al-Qayyim, il a apporté un tafsir, ça veut dire il a détaillé la chose en disant que les dix nuits du mois les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, dans laquelle se trouve Laylatul Qadr, sont meilleures que les 10 nuits de Dhul-Hijja. Il dit que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont meilleures que les 10 nuits de Dhul-Hijja. Et que les 10 jours de Dhul-Hijja sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc, lui, il fait donc la différence à ce niveau. Que les nuits sont meilleures parce qu'il s'y trouve Laylatul Qadr, mais les journées des 10 jours de Dhul-Hijja sont meilleures que les journées des 10 dernières journées du mois de Ramadan. Donc voilà la différence que lui fait et le détail que lui fait entre les deux pour voir quel est le plus méritant. Et c'est donc une explication qui a du sens. Donc les nuits du mois de Ramadan ont plus de mérite parce qu'ils s'y trouvent Laylatul Qadr, mais les journées de Dhul-Hijja sont meilleures que les journées du mois de Ramadan. Et par rapport à ce que j'ai déjà cité lors du début de cette assise, c'est le fait que les 10 jours de Dhul-Hijja se distinguent des autres par le fait que les grandes adorations s'y rassemblent. Donc les grandes adorations se rassemblent dans ces dix jours. Parce qu'il y a dans ces 10 jours la Salah, il y a le Siyam, il y a la Sadaqa et il y a le Hajj. Et cela n'est possible à aucun autre moment de l'année. À aucun autre moment de l'année, il est possible de rassembler ces grandes adorations en même temps. Donc c'est donc pour ça que ces jours de Dhul-Hijja se distinguent. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ibn al-Hafid Ibn Hajar dans Fath al-Bari, qui est son commentaire de Sahih al-Bukhari. Il donne donc cet avis dans le volume 2, en page 590. Il donne donc cet avis qui permet de savoir pourquoi donc Allah Azzawajal, quelle peut être la hikma pour laquelle Allah Azzawajal a autant aimé ces jours par rapport à d'autres. Donc c'est donc parmi les hikam, parmi les sagesses, le fait que s'y rassemblent donc les grandes adorations s'y rassemblent en même temps, ce qui n'est pas possible en dehors de cette période-là. Parmi donc les choses qu'il est légiféré de faire donc pendant ces 10 jours, il y a le dhikr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Ma min ayyamin a'damu indallahi wa la ahabbu ilayhi min al-amali fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, il n'y a pas de jour plus grand auprès d'Allah, ni plus aimé par lui, il n'y a pas de jour plus grand auprès d'Allah et où l'œuvre pieuse est plus aimée de lui que lors de ces 10 jours. Multipliez donc lors de ces 10 jours le tahlil, le takbir et le tahmid. Le tahlil, donc, c'est le fait de dire la ilaha illallah, le takbir, Allahu Akbar, le tahmid, alhamdulillah. Donc le prophète donc nous a, c'est donc une recommandation prophétique de faire, de multiplier donc ce dhikr. Et la manière la plus connue de le faire donc c'est de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Donc en faisant cela, on a donc fait donc, on sait donc, on a donc obéi à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a donc demandé de beaucoup faire ce dhikr, at-tahlil, la ilaha illallah, at-takbir, Allahu Akbar, wa at-tahmid, alhamdulillah, pendant ces 10 jours. Et cela donc se fait, on commence, dès qu'on entre dans les 10 jours, comme là nous sommes dans le premier jour, et donc depuis hier, la salat al-maghrib d'hier, il est donc légiféré de faire ce dhikr à tout moment. À tout moment, le musulman, il doit donc le faire ce dhikr pendant ces 10 jours. Ce n'est pas seulement le jour de l'Aïd, comme certains le font ou le pensent. Ce n'est pas seulement le jour de l'Aïd, ou bien le jour de Arafat. Donc c'est, dès qu'on est entré dans les dix premiers jours de Dhul Hijjah, il est légiféré donc de faire ce takbir, de multiplier ce takbir. Et il est donc rapporté d'Ibn Omar et d'Abu Huraira, et ce sont les deux compagnons qui ont le plus rapporté de hadith du prophète, Ibn Omar et Abu Huraira. Ce sont ceux qui ont le plus compilé de hadith du prophète, radiallahu anhuma. Et il est rapporté d'eux donc que lorsqu'ils rentraient dans les dix premiers jours de Dhul Hijjah, ils sortaient dans les marchés et ils faisaient le takbir. Donc ils sortaient dans le marché, ils faisaient le takbir et les gens répétaient après eux. Quand ils faisaient le takbir, donc les gens se souvenaient donc que c'était légiféré de le faire, et les gens répétaient, les gens les imitaient donc dans cela. Et ceci est un hasard donc qui a été authentifié par l'imam al-Albani concernant ce qui est rapporté d'Ibn Omar et d'Abu Huraira. Le hasard est donc authentifié par l'imam al-Albani. Ce hasard est authentifié par l'imam al-Albani. Et ça montre donc que c'est mashrou', c'est légiféré de le faire. Donc dès maintenant, c'est bien de beaucoup multiplier ce dhikr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Donc c'est bien de multiplier ce dhikr. Si on peut le faire même à tout moment, comme le faisaient Abu Huraira et et Ibn Omar, donc qui allaient même dans les marchés, et ils le faisaient même quand ils étaient au marché. Et lorsqu'ils le faisaient, les gens donc se rappelaient et ils faisaient comme eux. Le hadith que j'ai cité précédemment, donc sur le fait de multiplier donc le tahlil, le takbir, le tahmid, le hadith, il a été rapporté par l'imam Ahmed et il a été donc authentifié par l'imam Al-Albani. Il a été authentifié par l'imam Al-Albani. Donc, c'est donc légiféré donc de beaucoup faire ces adhkars-là, le tahlil, le takbir, le tahmid, et de le multiplier, même lorsqu'on va au marché, même où qu'on se trouve. Où qu'on se trouve, c'est bien de le faire. Et aujourd'hui, y a des gens qui ont honte de faire ça, alors que les gens qui mettent de la musique, ils n'ont pas honte de mettre leur musique n'importe où. Donc nous, les musulmans, on ne doit pas avoir honte de notre religion. Et il est bien de le faire, même si on va au marché, même si on se trouve au milieu des gens. Si on peut faire cette sunna-là, de faire le takbir, le tahlil et le tahmid, il est recommandé de le faire pendant ces 10 jours et de multiplier cela, comme cela a été rapporté dans ce hadith authentifié par l'imam Al-Albani que j'ai cité précédemment. Et comme c'est comme c'est fait, ça a été fait par les deux compagnons qui ont le plus rapporté le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira et Ibn Omar, radiallahu anhuma. Et on connaît, je pense qu'on connaît tous, de manière générale, les mérites du dhikr, les mérites et les bienfaits du dhikr. On a vu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam précédemment qui a dit la meilleure kalima, la meilleure parole qui lui a été donnée de prononcer à lui et au prophète avant lui, c'est la ilaha illallah. Et on connaît que le dhikr, c'est une arme contre shaitan. Le dhikr, c'est une arme contre shaitan et c'est la parole la plus aimée d'Allah Azzawajal. Donc le musulman, de manière générale, dans sa vie, dès qu'il se lève jusqu'à son coucher, 24 heures sur 24, il y a des adhkars qu'il doit faire. Et c'est pour ça que Allah Azzawajal nous a facilité des livres comme Husnul Muslim et il y en a d'autres du même genre qui ont été rédigés par les savants avant celui-là et après, et qui nous permettent de compiler des adhkars que le musulman peut citer dès qu'il se lève et durant toute sa journée en sortant de chez lui, en rentrant, lorsqu'il mange, lorsqu'il. Et de toutes les manières, le musulman, lorsqu'il s'attache à faire ses adhkars, les adhkars du matin, les adhkars du soir, ça fait que il est constamment dans l'adoration d'Allah Azzawajal. Matin, midi, soir, il est dans l'adoration d'Allah Azzawajal grâce aux adhkars qu'il fait. Et il y a des adhkars dans toute situation, même lorsqu'on entre au marché, même lorsqu'on veut faire des rapports avec son épouse, lorsqu'on veut manger, lorsqu'on veut entrer, faire ses besoins toilettes, lorsqu'on sort de chez soi, lorsqu'on entre, lorsqu'on voyage, et ainsi de suite. Ceci donc pour parler brièvement des mérites, des grands mérites des adhkars. Et voilà donc le dhikr qui s'y est à la situation. Le dhikr qui est légiféré donc pour ces 10 jours, c'est le fait donc de multiplier le tahlil, la ilaha illallah, le takbir, Allahu Akbar, le tahmid. Il faut multiplier cela. Et surtout qu'on est dans ces jours donc qui sont les jours où l'adoration est le plus aimée d'Allah Azzawajal. Il faut multiplier toutes les adorations et multiplier aussi ce dhikr. Et il est important aussi de dire que le dhikr, c'est quelque chose de simple, C'est quelque chose de simple qui remplit la balance des bonnes actions et qu'on néglige. Quelque chose de facile à faire. Quelque chose de très facile à faire. C'est une adoration qui ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est juste quelques mots qu'on prononce avec la langue, mais ça pèse lourd dans la balance. Comme ça a été rapporté dans un hadith du prophète, Khafifatan ala lisan, Thaqilatan fil mizan. Légère pour la langue, mais lourde dans la balance des bonnes actions. Yom al-Qiyama. Cela a été rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Donc, ouais, le hadith dit ça, kalimatan, khafifatan, ala lisan, takilatan, fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Donc, le dhikr, les adhkar, c'est vite fait. C'est léger, c'est une adoration qui ne demande pas énormément d'efforts. C'est très facile. Juste quelques mots prononcés avec la langue, mais très lourde dans la balance. Très, très lourde dans la balance. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Quelqu'un peut être comme ça, là, mais les gens ont l'impression que il ne fait rien de bien, mais il fait beaucoup d'adhkar et ça sera très lourd dans sa balance. Comme c'est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, Touba liman wujida fi sahifatihi istifaran katira. Touba pour celui, certains savants disent Touba c'est un arbre du paradis. Touba pour celui qui aura trouvé dans le registre de ses bonnes actions beaucoup d'istighfar. L'istighfar aussi c'est facile. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tu fais beaucoup d'istighfar. Hein? Et ça a beaucoup de mérite aussi, l'istighfar. C'est un dhikr qui a beaucoup de mérite aussi, que les gens négligent. Ça a énormément de mérite de faire beaucoup d'istighfar. Donc, c'est pour dire de manière générale que le dhikr, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et qui est à notre portée, à la portée de tous. À la portée de tous. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances exceptionnelles, il n'y a pas besoin d'être fort physiquement, il n'y a pas besoin d'avoir des moyens financiers comme certaines adorations. Certaines adorations, si tu n'as pas les moyens financiers, tu ne peux pas les faire. Comme le hajj, comme le sacrifice, comme la umra, comme beaucoup de choses. Mais le siyam, par exemple, il faut avoir la force physique. Mais même la personne qui est malade, il peut faire du dhikr. Même la personne qui est malade, il peut faire du dhikr. Sauf si sa maladie n'est pas, tant qu'il est conscient, il peut faire des adhkar. Et c'est quelque chose que, malheureusement, beaucoup d'entre nous en néglige et qu'il ne faut pas négliger. Parce que ça, c'est quelque chose qui compte yawm al-qiyamah dans la balance de nos bonnes actions. Donc, en dehors du dhikr, il y a toutes les autres bonnes actions qu'il est permis. En dehors du dhikr, il y a toutes les autres bonnes actions qu'il est permis à la personne donc de faire pendant ces 10 jours. Et ça, c'est la parole de nos savants, comme Cheikh Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, dans son commentaire de Riyad al-Salihin, il dit cela. Parce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Il n'y a pas des jours où l'œuvre pieuse est plus aimée d'Allah azza wa jalla que ces jours. L'œuvre pieuse, al-amal salih, ça englobe donc tout ça. La salah, la sadaqa, le siyam, le dhikr, le takbir, la lecture du Coran, la bienfaisance envers les parents, et la bienfaisance envers toutes les créatures, envers les voisins et tout ce qu'on peut faire comme acte de bienfaisance et comme acte de piété. Donc il est recommandé, donc même si la personne veut jeûner tous les 9 jours, lui est permis de jeûner. Bon, le jour de l'Aïd, il est pas, c'est interdit de jeûner le jour de l'Aïd, comme vous le savez déjà. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les jours qui suivent aussi, les 3 jours qui suivent l'Aïd, les jours qui suivent l'Aïd al-Adha, ça veut dire le jour de l'Aïd et les 2 jours suivants, donc jusqu'au 13e jour. En fait, les 3 jours suivants jusqu'au 13e jour. Parce que le jour de l'Aïd, c'est le 10e. Donc jusqu'au 13e jour, c'est interdit. Donc du jour de l'Aïd jusqu'au 13e jour, ce n'est pas permis de jeûner parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Ayyam al-Tashriq, Ayyam al-Aql wa Sharb, wa Dhikr lillah. Les jours de Tashriq sont des jours de nourriture et de boisson et de rappel d'Allah Azzawajal. Donc, ceci donc interdit donc le jeûne lors de ces jours-là. Le jour de l'Aïd et les jours et les Ayyam al-Tashriq. Et les 3 jours suivants. Donc, en dehors de ça, donc, si la personne veut jeûner même les 9 jours d'affilée, il lui est permis de les jeûner. Il lui est permis de les jeûner, donc, puisque le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'œuvre pieuse. Et l'œuvre pieuse, ça englobe donc tout ça, le siyam. Donc la personne peut faire toute œuvre pieuse qu'il veut, qu'il souhaite faire, il peut la faire donc pendant ces 10 jours de Dhul Hijjah. Donc il est donc recommandé de multiplier ces œuvres pieuses là en espérant la récompense d'Allah, comme on a cité la lecture du Coran, le dhikr, le siyam, les nawafil, Qiyam al-Layl et toutes les nawafil, les prières, après les prières obligatoires, les rawatib et salat al-Duha, toutes ces prières surérogatoires qu'il est permis de faire dans le jour et dans la nuit, il est bien de les faire lors de ces 10 jours. Et profiter donc pour faire multiplier les sadaqat aussi. Multiplier les sadaqat, multiplier le khair, le bien qu'on peut faire autour de soi, si on en a la possibilité, en espérant la récompense d'Allah Azzawajal. Et comme on l'a vu donc précédemment, il y a donc parmi les mérites de ces 10 jours, le sacrifice du mouton ou autre qu'on peut faire pour Allah Azzawajal. Et ce qui est le plus authentique ce qui est le plus juste comme avis concernant cela, c'est que c'est une obligation. C'est l'avis de cher Islam Ibn Taymiyyah. Et il a opté pour cet avis dans Majmou al-Fatawa. Et cher Ibn Taymiyyah aussi a opté pour cet avis. Et cher Ibn Taymiyyah, lui, il dit, à condition que la personne en ait la capacité, il émet cette condition, que le sacrifice du mouton pour l'Aïd al-Adha, ou le sacrifice d'une bête pour l'Aïd al-Adha, parce qu'il n'y a pas que le mouton, c'est la personne peut sacrifier un bœuf, peut sacrifier même un chameau. Donc, il est donc plus juste comme avis de dire que cela est obligatoire. Parce que, cher Islam, il dit, ça fait partie des rites les plus apparents de l'Islam. Ça fait partie des rites les plus apparents de l'Islam. Et donc, cher Ibn Taymiyyah, il a opté pour cet avis aussi. Mais lui, il dit donc que il apparaît que c'est l'avis le plus juste, que c'est obligatoire pour celui qui en a les moyens, mais à condition d'en avoir les moyens, pour celui qui en a les moyens. Donc la personne qui a les moyens d'accomplir ce sacrifice, il ne doit pas prendre ça à la légère et il doit accomplir parce que c'est un acte d'adoration immense envers Allah Azawajal. Et il ne faut pas que qu'on prenne cela à la légère et qu'on minimise cela. Et qu'on minimise cela. C'est comme par exemple beaucoup de musulmans à notre époque, ils minimisent l'obligation du Hajj. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont la capacité de faire le Hajj, mais ils croient que c'est selon leur bon désir. Quand ils pourront et qu'ils vont l'accomplir. Et l'essentiel, c'est qu'ils le fassent au moins une fois dans leur vie. Et ça, c'est une mauvaise compréhension de la religion. Le Hajj, c'est comme la prière et c'est comme le siyam. Sauf que le Hajj a été conditionné par le fait d'avoir la capacité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, Man istata'a ilayhi sabila. Celui qui a les moyens de s'y rendre. Celui qui a les moyens de s'y rendre. Et on sait que dans les siècles passés, dans les époques passées, les gens faisaient énormément de distance. Ils quittaient l'Afrique, ils quittaient des contrées très lointaines. Ils voyageaient pendant des mois. Ils voyageaient pendant des mois pour pouvoir accomplir le Hajj. Et ils le faisaient. Malgré les difficultés que cela engendrait, les gens le faisaient. Ils faisaient de très longs voyages pour pouvoir aller accomplir le Hajj. Et donc, de nos jours, les moyens ont été facilités avec les avions et tout ça. Les distances ont été raccourcies, les moyens ont été facilités. Mais les gens négligent parce que les gens, beaucoup, tu les vois, ils ont de l'argent gardé en banque. Ils ont de l'argent qu'ils ont mis de côté. Mais ils n'accomplissent pas le Hajj. Ils n'accomplissent pas le Hajj et ils pensent que c'est quand ils pourront. Alors que c'est obligatoire sur eux à partir du moment où. Comme la prière est obligatoire, comme le siyam est obligatoire, comme le jeûne est obligatoire, c'est obligatoire sur eux d'accomplir le Hajj à partir du moment où ils ont la capacité financière de le faire. C'est obligatoire et Allah Azawajal a imposé cela à cette communauté. Allah Azawajal a imposé cela. Ce n'est pas selon notre bon vouloir, quand on voudra. On doit se soumettre à l'ordre d'Allah Azawajal. C'est comme pour la zakat, exactement. Comme pour la zakat. Lorsque tu atteins déjà un nisab et que tu as atteint la durée de 1 an de 1 an hijri, il est obligatoire de sortir la zakat. Ce n'est pas quelque chose qui est fait selon ton bon vouloir quand tu voudras. Et il est mieux de le faire le plus rapidement possible pour ne pas que si tu retardes et que la mort te trouve, tu sois donc pécheur. D'avoir retardé cela alors que tu avais la capacité de le faire. Donc, les adorations comme celle-là, je prenais cet exemple du Hajj pour dire la même chose pour le sacrifice de l'Adha. Donc, la personne, s'il en a les moyens, il ne faut pas qu'il pense que c'est s'il veut, c'est si c'est son bon vouloir. Parce que, donc, ces savants-là, comme Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah et Cheikh Ibn Uthaymeen, ils ont opté donc. Pour cet avis, c'est l'avis le plus juste, que c'est obligatoire pour celui qui en a les moyens. C'est obligatoire pour celui qui en a les moyens. Et j'ai insisté par rapport au Hajj parce que c'est quelque chose qui est très courant dans notre communauté de nos jours. Beaucoup de gens parmi les musulmans ont des grosses sommes dans les banques. Tu vas les voir, ils n'ont pas encore accompli le Hajj. Ils n'ont pas encore accompli le Hajj. Et malheureusement, beaucoup aussi, on a beaucoup de mauvaises coutumes par rapport à ce Hajj-là, que même quand les gens ils l'accomplissent, c'est avec beaucoup d'ostentation. Et on fait, lorsqu'on rentre du Hajj, tout le monde vient t'accueillir, et puis on te donne des surnoms par rapport à ça, par rapport à ça et tout. Ça, c'est des mauvaises choses, des mauvaises pratiques que les gens doivent délaisser. Le Hajj, c'est comme toutes les adorations, elles doivent être faites pour Allah Azawajal, sincèrement, sans ostentation. Et il est mieux même que quand tu pars faire ton Hajj, les gens ne soient même pas au courant que tu es parti faire le Hajj. Il est mieux. Et c'est une adoration immense parce que c'est parmi les adorations qui font que la personne, elle revient comme si elle était nouveau-née. Même si tu as fait des grands péchés, tu as fait même zina, tu as accompli n'importe quel péché, la consommation d'alcool, tu as fait n'importe quel péché. quand tu fais un bon hajj selon les règles et qu'il est accepté par Allah Azzawajal, tu deviens comme lorsque ta mère t'a mis au monde. Ça veut dire exempt de purifié de tout péché. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, quel que soit le péché, tout est effacé. Donc c'est pour ça que c'est une adoration immense. Et c'est une adoration immense parce qu'elle comporte donc ses grands bénéfices et elle comporte ces grands mérites-là. Et ce n'est pas quelque chose donc à négliger pour les musulmans. Ce n'est pas quelque chose à négliger pour les musulmans qui en ont la capacité et qui en ont les moyens. Il faut se précipiter à le faire. Et nos machères de nos jours, nos savants, on les voit attachés. Même quand ils ont déjà fait le hajj, ils y vont presque tous les ans. Quand ils en ont la capacité, ils y vont presque tous les ans. Presque tous les ans, ils sont au hajj. Presque tous les ans, ils sont au hajj. Parce que quand tu en as la capacité, mon frère, on commet beaucoup de péchés dont on a connaissance et dont on ignore. On commet beaucoup de péchés dont on a connaissance et dont on est ignorant. Et on a besoin de sans cesse se purifier. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal a mis toutes ces adorations. Le Ramadan qui revient, le Hajj qui revient chaque année. Chaque année, ces adorations reviennent pour permettre à ces adorateurs de se purifier de leurs péchés et de pouvoir donc rencontrer leur Seigneur étant purifié de tout péché. Étant purifié de tout péché. Donc ce n'est pas des choses à négliger. Même ce sacrifice de l'Adha que certains pourraient prendre à la légère, ce n'est pas quelque chose. C'est une immense adoration. Hein? Quand on connaît aussi son histoire, c'est une très, très, très grande adoration qu'il ne faut pas négliger. Et quand la personne a les moyens de le faire, il faut accomplir cette adoration-là. Wabillahi tawfiq. Et donc, tout ceci pour montrer l'importance donc du sacrifice le dixième jour de Dhul-Hijjah. Et la personne donc qui a l'intention de faire le sacrifice le jour de l'Aïd al-Adha, il est donc recommandé à cette personne de ne pas toucher, dès qu'il est entré donc dans les jours de Dhul-Hijjah, à partir du Ma'arib, donc là nous sommes le premier jour, donc c'était à partir de Ma'arib, du Ma'arib d'hier, il est donc recommandé à la personne de ne pas, ceux qui ont l'intention de dégorger donc pour l'Aïd. Le Ma'arib hier, c'était le dernier. Il fallait donc, pour la personne qui voulait se couper les ongles ou se couper les cheveux, il fallait donc le faire avant le Ma'arib d'hier. Donc à partir du Ma'arib d'hier, il n'est pas donc permis à la personne qui a l'intention de faire le sacrifice, de toucher donc à ses ongles et ses cheveux. Donc ceci d'après le hadith de Umm Salama, qui est dans Sahih Muslim, où donc elle a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ida ra'aytum hilal adil hijja wa arada ahadukum an yudahiya falyumsik an sha'rihi wa atfarihi. Ida ra'aytum hilal adil hijja wa arada ahadukum an yudahiya falyumsik an sha'rihi wa atfarihi. Donc si vous voyez la lune, le croissant lunaire de Dhul-Hijjah, et qu'un d'entre vous veut sacrifier pour l'Adha, qu'il se retienne donc de toucher à ses ongles et à ses cheveux et à ses ongles. Donc le hadith est dans Sahih Muslim d'après Umm Salama. Radiallahu anha. Donc, il est important de s'attacher à l'application de ce genre de sunna de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Bon, voilà en résumé ce qui nous a été permis de citer comme mérite attestant de l'importance de ces jours de Dhul-Hijjah. On demande à Allah Azzawajal qui rende cela profitable pour l'islam et pour les musulmans et qui nous accorde un tawfiq, qui nous accorde la réussite et qu'il nous accorde de pouvoir pratiquer le maximum d'actes d'œuvres pieuses lors de ces 10 jours et le succès et la réussite ne peut provenir que d'Allah Azzawajal. Quoi qu'il en soit, on lui demande de nous accorder sa miséricorde, car ce n'est que sa miséricorde qui nous fait entrer au paradis et non pas nos actions. On va essayer, bi'idhnillah azawajal, si Allah il le permet, de voir un peu en abrégé et quelques règles concernant le sacrifice, si Allah il nous permet. Parce que malheureusement, nous sommes tous avec des contraintes de la dunya qui nous, des fois, qui nous occupent. Et on demande à Allah Azzawajal de nous accorder la possibilité donc de voir ça ensemble lors d'une prochaine assise. Les règles, quelques règles concernant le sacrifice. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك